La ligne de stop à droite occupe toute la largeur de la rue. Cela signifie qu'elle est à sens unique et que je ne peux pas l'emprunter. Je peux donc continuer tout droit, mais pas tourner à droite. Réponse A et D.